m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Au rythme de la pendule, je suis mon propre funambule. Et ce sont mes mains sur ton nombril. Ce sont tes mots aiguisés qui m'ont de pas viril. C'est ton doux petit souffle gémissant vers moi. C'est ton appel griffant mon dos de tes doigts. Et c'est la chaleur de mon corps. C'est sans le savoir un peu une sorte de sport. Ce sont tes paupières cachant tes yeux. Ce sont nos allers et retours à nous deux. Je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Au rythme de l'envie, je suis avec ma propre utopie. C'est mon regard planté sur tes lèvres. C'est ta douceur quand tu me caresses dans les ténèbres. C'est ton corps ruisselant comme une déesse. Ce sont en tout mes milliers de milliers d'ivresses. Ce sont tes cheveux qui me tiennent en laisse. Je suis ta victime car tu fais de moi une maladresse. C'est ton petit nez qui joue au check avec mon nez. Sans oublier qu'il parcourt d'autres endroits isolés. Je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Au rythme de l'amour, je suis le poète qui savoure. Ce sont tes crimes dans la pleine lune. Ce sont tes demandes en et demandes avec la planète Saturne. Et ce sont mes pensées qui tournent. Ce sont mes folies, mes folies, mes folies qui contournent. Oh, c'est le diable qui m'envoie toutes ces images. C'est l'infâme cruauté qui me surchauffe de mon corps à mon visage. C'est le désir trop grand qui l'emporte malgré tout. C'est le désir qui l'emporte. Malgré tout, je m'en sortirai jamais.